Comment réglait-on les conflits concernant l'usage de l'eau au Moyen-Âge ? En raison de la sécheresse exceptionnelle que nous avons connue au cours de l'été 2022, les préfets de tous les départements de la France métropolitaine ont pris des arrêtés de restriction de l'usage de l'eau, ce qui a alimenté des polémiques entre ceux qui utilisent beaucoup d'eau pour leur activité professionnelle, c'est le cas des agriculteurs, et ceux qui consomment de l'eau pour leurs loisirs, comme ces 3 millions de Français qui possèdent des piscines privées. Accusés de gaspillage, ces derniers ont été défendus par la Fédération professionnelle de ce secteur, qui a affirmé, chiffre à l'appui, que la consommation d'eau pour une piscine représentait moins que la consommation annuelle d'un lave-linge. Nous avons là une illustration du type de polémique qui caractérise nos sociétés de consommation quand elles sont confrontées à des catastrophes climatiques remettant en cause les intérêts divergents des uns et des autres. Cette actualité ne doit pas nous faire oublier que, dans le passé, les conflits sur les usages de l'eau étaient déjà très fréquents. Ce qui est nouveau, c'est la dimension nationale, voire mondiale du problème, alors que dans les sociétés pré-industrielles, les enjeux étaient le plus souvent localisés. Pour illustrer ce point, je prendrai l'exemple des conflits pour l'approvisionnement en eau qui ont eu lieu à Carpentras à la fin du Moyen-Âge. La ville avait longtemps souffert d'un manque d'eau chronique, car au début du XIVe siècle encore, son site était qualifié d'aride. Comme le comtat vénécien venait de passer sous la domination pontificale, le pape Clément V eut l'idée d'utiliser les sources de Caron, un village situé à une dizaine de kilomètres de Carpentras, afin d'approvisionner en eau cette ville qu'il avait choisie comme lieu de résidence de sa cour. Le but était d'apparaître comme le bienfaiteur de la population au détriment de l'évêque de Carpentras, qui était alors le seigneur de la ville et qui, à ce titre, assurait jusqu'ici la gestion des eaux. À cette époque, les évêques étaient soumis au pape pour toutes les questions relatives aux affaires de l'Église, mais ils défendaient bec et ongle leurs prérogatives seigneuriales et n'hésitaient pas à affronter les officiers pontificaux. Le contrôle de l'eau fut donc aussi un moyen pour le pape de sceller une alliance avec les habitants de la ville de Carpentras contre leur seigneur évêque. Pour défendre leur ancestral droit d'usage sur l'eau de la commune, les villageois de Caron dénoncèrent la mainmise pontificale sur leurs sources. Ils s'engagèrent dans des actions violentes, allant jusqu'à saboter l'aqueduc qui avait été construit pour que l'eau puisse couler jusqu'à Carpentras. Finalement, le conflit fut réglé par la négociation grâce à la rédaction de statuts définissant les conditions d'usage de l'eau et d'entretien des conduites. Mais cet accord fut éphémère, car les luttes entre les communautés urbaines et les villages environnants pour les usages de l'eau persistèrent dans la région jusqu'à la fin de l'époque moderne.